Valse, Louise Reicher. J'ai fait l'amour 5 à 6 mois dans la ville de Rennes. J'ai fait l'amour 5 à 6 mois dans la ville de Rennes. Je l'ai faite suivant la loi, ayant ma mis entre les bras sur le bord d'une fontaine, sur le bord d'une rivière. Ne furent pas au bord de l'eau, elle voit venir sa mère. Ne furent pas au bord de l'eau, elle voit venir sa mère. Ma mère, donnez-moi un amant, je l'aimerai bien tendrement comme vous. Comme vous aimez mon père. Oh ma fille, à quoi penses-tu? À un amant volage. Oh ma fille, à quoi penses-tu? À un amant volage. Et nous n'avons que toi l'enfant, nous te marierons richement, nous te ferons millionnaire, nous te ferons millionnaire. De ces millions, je n'en veux pas, il faut marcher trop fier. De ces millions, je n'en veux pas, il faut marcher trop fier. J'aimerais mieux mon petit minard, lui qui a su charmer mon cœur, que d'avoir tant de richesse, que d'avoir tant de richesse. Oh ma fille, à quoi penses-tu? Tous les travaux s'avancent. Oh ma fille, à quoi penses-tu? Tous les travaux s'avancent. Guerre déclarée par tout pays, et les mineurs partiront tous. Adieu les filles de Rennes, adieu les filles de Rennes. Et si les mineurs partiront, nous serons les premières. Et si les mineurs partiront, nous serons les premières. Partout pays, nous nous suivrons. Partout pays, ils nous suivront. Nous serons leur capitaine. Nous serons leur capitaine. Le dernier couplet a été modifié par tournesol.